en disant « Nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui ?» Ce n'est que par polémique qu'ils te le citent comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers.